toutes et tous et bienvenue dans Dev & Retry, le podcast sur le développement de jeux vidéo en compagnie de Guillain. Bonsoir. Titulaire du bachelor game artiste d'Artefix et au travail sur le projet Arachi. Bravo. Ouais, sans feuilles, j'arrive à m'en souvenir, tu vois. Également, nous sommes avec Marie, étudiante en licence pro jeux vidéo à l'université de Montpellier, au travail sur le projet Montpellier Discovery. Bonsoir. Floris est avec nous aussi, étudiant en troisième année du bachelor game design option programmation de IFM 3D et au travail sur le projet Astreos. Bonsoir. C'est incroyable parce qu'en fait on fait le même truc sauf que tu es en troisième année que je suis en deuxième année, c'est toujours avec toi que j'ai le plus de mal. Et nous sommes accompagnés par Christophe Sauveur, cofondateur de Cheeseburg Games, un studio de jeux vidéo indépendant qui a sorti Echoes et qui est encore au travail sur Rêverie Duel of Dreamers, exactement, pardon. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Et oui, tu es également lead programmeur sur le projet Crying Suns du studio Altshift. En effet. Du coup, nous allons nous intéresser au pixel art et plus précisément, pourquoi est-ce qu'on continue à faire des jeux en pixel art aujourd'hui alors que la technologie nous permet de faire des jeux graphiquement beaucoup plus impressionnants. C'est une question que je pense qu'il est intéressant de se poser. Et Christophe est notre invité car en tant que développeur sur Crying Suns, il intègre des modèles en pixel art dans le jeu. Crying Suns, du coup, qui a une particularité, c'est d'avoir des graphismes pixel art qui mélangent des techniques de 2D et de 3D. En effet, effectivement, on a historiquement, en fait, le projet Crying Suns qui a débuté il y a 2 ou 3 ans chez Altshift, j'étais pas encore là quand ça a commencé. Ce projet, historiquement, il était 100% pixel art. Voilà, un pixel art avec beaucoup de détails, pas forcément un jeu en pixel art avec un nombre limité de pixels comme on peut avoir sur d'autres jeux effectivement qui sont plus fidèles à ce qui était le pixel art à l'origine. Donc on est sur quelque chose qui est plus détaillé. Et puis on s'est rendu compte au fur et à mesure de la production qu'on avait besoin d'amener d'autres techniques, non pas parce que le pixel art ne nous plaisait plus, mais parce qu'en termes de gameplay, on avait des difficultés à produire ce qu'on voulait en se limitant à du pixel art 2D. Voilà, donc on est allé chercher d'autres techniques, comme effectivement de la 3D qui utilise des textures qui sont pixel artisées. Mais voilà, on va dire ça comme ça pour l'instant. Voilà, c'est un début d'introduction de Crying Suns, mais je vais juste parler 2 secondes du jeu parce que j'allais te demander justement de pitcher un peu. Crying Suns, en fait, c'est un roguelike narratif. Donc, dans le pitch du jeu, c'est quand FTL rencontre Fondation. Voilà, boum, ça s'est posé, comme ça c'est fait. Donc effectivement, c'est de la SF narrative. Ça reprend beaucoup de codes que FTL a popularisé énormément, mais à notre sauce. Voilà, c'est quand même pas un clone, hein, faut bien être clair. C'est notre jeu, on se l'est approprié beaucoup, et donc on a mis un accent, ce qui est pas le cas dans FTL, beaucoup sur la narration. Donc voilà. Et le pixel art était là. On en parlera un peu tout à l'heure aussi. Pourquoi on a fait ce choix-là, mais il était là parce que il a à la taille de notre équipe, puisqu'on est 9 personnes, c'était très difficile d'en venir à de la 100% 3D AAA, parce que on n'est pas AAA. Donc, voilà. D'ailleurs, est-ce que c'est du voxel, du coup, comme technique que tu disais ? Quelle est la différence ? Eh bien non, ce n'est pas du voxel. Et en l'occurrence, je vais donner une conférence à un événement qui s'appelle le Game Camp à Lille au mois de juin sur justement cette question précise, c'est comment on a réussi ou comment on a choisi, en tout cas, d'utiliser un mélange de 3D et de sprite en pixel art pour produire des vaisseaux qui ont une vraie perspective, qui ont un vrai volume. J'ai vu les effets des vaisseaux, c'est assez impressionnant d'ailleurs. Voilà, donc ça donne un effet un peu surprenant, en tout cas. On a fait beaucoup de recherches, hein, parce qu'il y a eu quasiment 1 an et demi de recherche rien que sur les vaisseaux, et on est arrivé à ce résultat-là très récemment. Donc voilà, c'est un mélange de techniques, il y a de la vraie 3D, il y a du sprite mélangé. Ce que j'ai vu pour les vaisseaux, en fait, c'est plusieurs layers où vous faites jouer la parallaxe pour avoir un effet 3D. Alors historiquement, effectivement, c'était sur les gros vaisseaux, parce qu'en fait, on a des très gros battleships à la Battlestar Galactica ou des choses comme ça. Ces vaisseaux-là sont un mélange de 3D et de sprite. Par contre, on a des plus petits vaisseaux, des croiseurs ou des unités de combat, en fait, qui eux sont un mélange de sprite et de parallaxe, effectivement, parce que là, ils étaient suffisamment petits à l'écran pour qu'on ait pas besoin d'avoir tout le volume de l'objet. D'accord. Voilà. Donc, on a fait le choix de cette technique. Donc, c'est un pixel artiste qui s'appelle Skaz. Enfin, son surnom, c'est Skaz, et c'est quelqu'un qui s'appelle Louis-Julien Berthe, qui a rejoint l'équipe au mois de septembre ou octobre l'année dernière, et qui effectivement nous a permis d'amener cette touche là super intéressante. Donc voilà. Sur le projet, vous êtes, il y a combien d'artistes ? Alors sur le projet, il y a 2 artistes à temps plein et puis 2 personnes qui font aussi de la partie graphique, mais qui sont pas artistes en poste premier en fait. D'accord. Donc on a un UX designer qui s'occupe de tout ce qui est interface utilisateur, graphique en tout cas. Et puis on a Frédéric Lopez, le président de la SSL Shift, qui lui est aussi directeur artistique, donc qui fait une partie des éléments graphiques pour D'accord. le jeu. Évidemment. Donc, alors que j'étais en train de boire, du coup, tu évoques, voilà, vous avez dû rechercher une technologie pour bien précise pour réaliser ce jeu-là. Pourquoi, du coup, puisque tu peux nous en dire plus sur pourquoi être parti sur ce modèle graphique-là, ce modèle de représentation pour votre jeu ? Alors. On aurait pu se limiter à de la vue de dessus, parce qu'en fait, c'est donc c'est comme en tant que roguelite. Ou le roguelike, je sais jamais, bref, moi non plus. Narratif. Voilà, si on reprend effectivement le modèle que vous pouvez vous imaginer tout de suite si vous y avez joué à FTL, on a des combats de vaisseaux. Dans FTL, donc, quand on affronte nos ennemis, il y a 2 vaisseaux, uniquement 2 vaisseaux à l'écran, éventuellement il y a des petits drones, mais enfin bon, c'est pas le fond du. Enfin, le principal du combat. Donc il y a 2 vaisseaux qui s'affrontent. Nous, le problème, c'est qu'on a des énormes battleships qui en plus déploient des unités sur une grille, qui, du coup, le combat est. À une dimension qui est un peu différente. Et notre volonté, c'était de pouvoir donner l'impression que les gros vaisseaux mères faisaient éventuellement 1 km, 2 km de long. Donc des choses extrêmement massives. Et on s'est rendu compte que le pixel art seul, en tout cas, ou en tout cas le choix graphique qu'on avait fait en pixel art historiquement, ne nous permettait pas, d'avoir cette notion de perspective, de profondeur, de volume qu'on voulait donner. Il y avait aussi un gros travail sur la lumière à faire, qui n'est pas fait d'ailleurs encore dans le pôle d'enjeu, puisqu'on est toujours en développement. Mais voilà, il y a un gros travail sur la lumière à faire qui était difficile à reproduire uniquement sur des sprites. Le choix du directeur artistique est un peu audacieux là-dessus, donc on a des besoins un peu différents. Donc on est allé chercher d'autres techniques pour donner ce volume, cette perspective. Le fait que les vaisseaux puissent tourner sur presque les 3 axes, en fait, puisque les croiseurs ils ne tournent pas sur les 3 axes, mais on a des unités un peu plus petites qui elles vont faire comme dans Star Fox des barrel rolls quoi. Donc ils vont tourner sur leur axe principal quoi. Donc des loopings, enfin c'est pas des loopings en l'occurrence, c'est des barrel rolls, mais j'ai pas d'autres noms en tête qui me viennent. Ça c'était assez difficile à faire sans passer sur de la 3D. Ça aurait été possible hein, mais je veux dire, ça nous demandait de produire beaucoup plus d'éléments. Donc on a fait ce choix là c'est d'ailleurs à partir de ces vaisseaux là qu'on a introduit de la 3D, et puis petit à petit la 3D s'est tellement introduite que voilà. La 3D elle est pas arrivée pour rien quoi. Ça s'est instauré dans les chaumières comme on dit, c'est parce qu'il y avait de gros avantages sur les techniques de production, etc. Exactement. Exactement. Tu as évoqué le fait que Altshift, du coup, vous n'avez pas les moyens de produire un AAA. Oui. Si vous les aviez eus, vous auriez réalisé un jeu qui n'aurait pas été en pixel art 3D, j'imagine. Alors, je ne vis pas dans ce monde merveilleux où on aurait eu 100 millions de dollars à mettre dans le jeu. Mais effectivement, on n'aurait peut-être pas fait ces choix-là. Enfin, voilà, c'était très difficile. C'est très difficile de répondre à cette question. Ce qui est certain, c'est que des jeux AAA en pixel art, AAA, ou en tout cas qui vendent énormément, qui font des chiffres de vente colossaux en pixel art, il y en a encore. Il s'avère malheureusement pour moi dans les exemples très récents que ce sont des toutes petites équipes qui les ont produits. Donc voilà, c'est pas forcément non plus du triple A, mais. Mais ça reste un peu des exceptions sur mais le. Ça, mais voilà, ça reste des exceptions. C'est le type du jeu aussi qui fait que les équipes pouvaient se permettre d'être petits. Dans les jeux pixels récents qui ont été populaires. Tout à fait, non mais tout à fait. Je pense à Stardew Valley par exemple où le développeur était seul. En tout cas. Seul pour la majorité du temps, parce que je soupçonne qu'il se soit fait aider pour certaines parties un peu particulières, puis il y a eu un publisher derrière, donc il y a d'autres choses qui sont venues, mais en tout cas sur la production, beaucoup de la publicité de Stardew Valley a été fait sur le fait que le développeur était seul, et voilà, ils ont fait un carton, il a fait un carton, c'est arrivé au bon moment, c'est un successeur spirituel de Harvest Moon qui n'avait pas vu le jour depuis 15 ans, et puis ils ont Harvest Moon, après la sortie de Stardew Valley, ils ont sorti une version sur mobile, je crois, qui est une catastrophe infinie, enfin, ou sur Steam, je sais plus, enfin bref, mais donc voilà, ce sont effectivement des exceptions. Maintenant, il faut reconnaître la qualité graphique de ces jeux-là aussi. Maintenant, voilà, pour répondre à la question qui était, si on avait été des AAA, est-ce qu'on aurait fait de la 3D, est-ce qu'on aurait fait de la 2D, probablement qu'à un moment donné, vu le scope qu'on cherchait à obtenir, on aurait fait plus de 3D dans le projet, Mais encore une fois, je ne suis pas le directeur artistique, je ne suis pas le producteur du jeu non plus. Donc je ne peux pas répondre pour eux, mais de toute façon, cette situation n'est pas là. Ouais. Et je n'ai pas encore gagné au loto pour qu'elle le soit. Non, mais là où je voulais en venir, c'est que du coup, en fait, votre, le jeu, quand je dis votre, du coup, c'est au studio. J'entends. Ouais, votre jeu bénéficie d'une, d'une direction artistique assez particulière. On retrouve peu de jeux qui ont des graphismes en pixel art 3D. Je pense que c'est un plus pour ce projet-là. Et vous n'auriez peut-être pas eu cette idée de techno si vous aviez eu les moyens de produire votre jeu convenablement sur Unreal avec des graphismes... Alors, c'est effectivement une question un peu... Aujourd'hui, le jeu donc, il est développé sur Unity. Mm-hmm. Techniquement, on pourrait le faire sur Unreal, c'est pas le problème. C'est juste qu'effectivement, la totalité du studio quasiment code sur Unity. Donc, c'était délicat et inutile de passer sur un moteur comme Unreal. Le fait est que il s'avère qu'en l'occurrence c'est notre petite taille qui a amené la besoin d'avoir des solutions de production différentes. Donc par exemple on a utilisé Spine, donc qui est un logiciel d'animation extrêmement puissant, pour animer les personnages. Et ça a donné un look en fait un peu particulier parce que Spine il va pas, enfin bon, je rentre dans les détails techniques, mais en gros Spine ne va pas aligner les pixels comme si on était sur du vrai pixel art, il serait vraiment aligné sur la grille de l'écran. Spine lui il va déformer les objets et du coup on va avoir des pixels qui ont toujours un look un peu pixel art, c'est pas des pixels lissés comme on peut avoir sur de la 3D photoréaliste ou des choses comme ça, mais par contre effectivement il va sortir du cadre de la grille du pixel art. Mmh. Donc ça donne un look auquel on ne s'attendait pas forcément nous-mêmes quand on a fait les premiers tests, c'est à ça que servent les tests aussi. Et donc le mélange Spine plus 3D fait que finalement, comme les textures sont pixelisées aussi, enfin sont pixel artisées, parce que ça ne veut pas dire la même chose. Ouais, c'est pas tout à fait pareil, parce que justement après j'aimerais bien revenir sur qu'est-ce qu'est le pixel art. Mmh, et là dans votre jeu en fait c'est en gros des pixels zoomés pour donner un aspect pixel art. Exactement, mais c'est pas oui, tout à fait. Pixel art, mais c'est comme on disait tout à l'heure avant l'émission, on a chacun sa définition du pixel art. Maintenant effectivement il y a un historique du pixel art qui existe et qui est là, avec des techniques aussi qui ont évolué dans le temps. Là on n'est pas en train de réinventer chacune des techniques individuellement, elles existaient avant. Par contre on essaie de faire un mix effectivement original, parce que tout simplement le marché du jeu indé c'est un peu compliqué. Donc il faudra savoir se démarquer aussi à ce niveau-là. Et aller chercher... là, on se concentre en ce moment, d'ailleurs, on se concentre beaucoup sur l'équilibrage du jeu, justement pour que l'expérience soit là, vraiment à l'intérieur. Mais aussi écoutez sur les anciennes émissions. sur l'effet waouh quand même, parce que c'est comme ça qu'on va se faire remarquer. Quoi. Ouais. Voilà. Clairement. Et bah, justement, si vous pouviez donner vos définitions du pixel art... Je vais commencer peut-être. Je t'en prie. Du coup alors pour moi le pixel art c'est moi je suis plutôt quelqu'un qu'on pourrait appeler puriste sur la technique, c'est pas le terme que j'ai entendu tout à l'heure hein, mais bon ouais, pixel nazi c'est moi j'ai me basé sur le pixel art comme il était fait sur les anciens jeux qu'on pouvait avoir dans les années 90. Donc c'est-à-dire avec juste les outils de base que vous pourriez avoir sur un Paint, donc juste la broche classique carrée sans smooth, donc sans transparence des pixels quand vous peignez, avec le pot de peinture sans transparence, et utiliser pas mal de techniques du coup pour bien définir les formes, faire en sorte que les lignes soient agréables à l'œil. Il y a pas mal d'autres techniques qu'on pourrait aller plus précisément, mais bon je suis pas sûr qu'on ait le temps de pousser et je suis pas sûr que ça intéresse aussi tellement de gens. Mais pour moi vraiment le pixel art c'est l'utilisation des techniques comme elles étaient à l'époque, avec les contraintes du coup duquel résulte donc limitation des palettes et utilisation d'outils assez simplifiés. Pour rebondir sur ce que tu dis, l'année dernière j'étais avec mon professeur de jeux vidéo et on était en train de discuter justement et il me dit graphiquement sur quoi tu te bases, et je lui dis bah là je suis en train d'apprendre le pixel art, et je lui montre un petit dragon que j'avais fait en pixel art et du coup j'avais pas fait de palette. Et il m'est tombé dessus, il fait « Mais t'appelles ça du pixel art, c'est n'importe quoi, ça n'a pas de sens, t'as plein de couleurs, ça va pas du tout, et en plus il est trop détaillé. » Donc pour le coup de la palette, je comprends que j'ai regardé après des définitions, donc il y en a plein sur internet. Effectivement, le pur pixel art, comme on pourrait l'entendre partout, c'est avec une palette, et les pixels sont limités. Maintenant, quand on tape pixel art sur ArtStation par exemple, ou des sites comme ça, le pixel art devient tellement détaillé, que on dirait même plus du pixel art. J'ai vu une animation il n'y a pas longtemps d'un homme sous la pluie. On aurait juste dit qu'il n'y avait pas d'anti-aliasing et qu'au final, c'était même pas du pixel art. Mais c'était quand même défini comme du pixel art. Ben ça, c'est ce qui arrive quand tu as un mot qui est surutilisé pour définir un objet. Donc au final, tu te retrouves avec une définition qui dérive de sa définition originelle. Mmh. Tu te retrouves avec des gars qui font au final du painting indexé sur Photoshop et qui appellent ça du pixel art. Après, les gens dont je te parle, ils ont mis en même temps leur méthode de production de leur image et les mecs se sont quand même emmerdés du coup à faire pixel par pixel un truc aussi précis. Ah oui, non, mais t'as des artistes qui sont complètement tarés, je vais t'en signer quelques-uns. Enfin, en pixel art, déjà, je vais vous dire 2-3 plateformes qui sont super intéressantes pour le pixel art. Donc il y a PixelJoint qui est une plateforme de pixel art anglaise. Donc où vous pourrez trouver des artistes mais qui sont vraiment monstrueux, un qui s'appelle Fall, qui a un style très particulier à ses cartoons, et un qui s'appelle Elk, c'est des mecs qui font, comme tu dis en fait, des pixel art qui sont des tableaux en fait. Mmh. C'est des mecs qui vont prendre un full screen et ils vont en faire un pixel art avec les techniques. Donc après les gars ils mentent pas, ils disent en bas du dessin le temps de réalisation c'est pour Elk, un de ses derniers tableaux où tu vois un colosse dans une espèce de marécage avec pas mal d'effets de brume etc. La palette est limitée, je crois que c'est 60 couleurs à tout péter. Et il a mis 500 heures à faire ça. Et tu vois le résultat et tu dis, mais purée, mais c'est juste un taré quoi. Et il y a d'autres communautés. En France, vous avez une communauté qui s'appelle RetroPixel.fr qui vous permet d'apprendre le pixel art avec pas mal de tutoriels, etc. Je suis dessus au passage. pour rester sur la palette, je suis pas sûr de ça, mais il me semble que il y avait... Shovel Knight, qui était resté genre sur les couleurs de genre originales que la NES. Je crois pas justement. Oui, on avait une couleur. Il me semble qu'il y a une couleur d'un des boss qui ne l'est pas, mais que le reste du jeu l'est. Ah bon? C'est impossible. Je crois juste qu'ils ont fait enfin, qu'ils se sont limités sur un nombre de couleurs comme la NES pour justement avoir cet effet NES, mais je crois qu'ils ont triché parce que c'est pas exactement les couleurs que tu as sur la NES. Elles semblent beaucoup plus vives leurs couleurs que celles qui étaient présentes sur la NES. Après, faire gaffe parce que les écrans cathodiques avaient tendance à assombrir les couleurs beaucoup. Donc. Et aussi à lisser parce qu'en fait, quand on jouait à un jeu pixel art sur une télé cathodique, en fait, c'était lisse. Donc, on pas les pixels aujourd'hui sur les écrans LCD donc qu'on a l'habitude de voir, ils sont carrés. Et d'ailleurs, enfin les photophores, parce qu'en fait c'est pas vraiment des pixels, mais bon, on va éviter d'être trop strict. alors qu'effectivement, sur les télé cathodiques, donc historiquement, c'était des photophores qui étaient circulaires, ou hexagonaux, exactement. Et donc en fait, ils étaient intercalés d'une sur deux. Ils s'étaient pas pile alignés comme c'est maintenant, donc ils avaient tendance à générer ce halo rond, qui faisait que ben, jeunesse sur une télé cathodique, ça restait, entre guillemets, beau. Et dès qu'on le met dans un émulateur, ça devient extrêmement net et ça ressemble plus à rien. Oui. Voilà, donc c'est pour ça que ben, des émulateurs comme ZSNES ou des choses comme ça intègrent des filtres pour retrouver cet effet-là, ou que la Super NES Mini qui est sortie il n'y a pas longtemps intègre directement un filtre aussi quand on branche en HDMI sur la télé, que ça ne nous saute pas aux yeux directement. Donc voilà, c'est des techniques pour retrouver, c'est ce qu'on appelle la Lo-Fi, voilà c'est ça, Low Fidelity. Pour rester sur les couleurs justement, c'est quelque chose qui me paraît intéressant, c'est-à-dire que le pixel art, on a commencé à avoir des jeux qui étaient avec de gros pixels bien visibles, parce que simplement techniquement on ne pouvait pas faire mieux. Aujourd'hui on peut faire mieux, on continue pourtant à sortir des jeux avec des pixels bien visibles, donc les jeux en pixel art dont on parle. Et le truc c'est qu'aujourd'hui ce n'est plus par contrainte technique mais par choix que l'on va vers ce genre de représentation, et les ordinateurs d'aujourd'hui nous permettent de mettre beaucoup plus de couleurs qu'avant et d'avoir du coup finalement des jeux avec cette technique qui est propre aux jeux vidéo, de représentation propre aux jeux vidéo, je pense, hein, c'est, pixel art ça vient du jeu vidéo, on m'arrête si je dis une bêtise. Ouais, après tu peux quand même extrapoler parce que pixel art c'est concrètement c'est la technique d'aligner les pixels pour que ça fasse des structures et des tableaux. Ouais. C'est, tu peux mettre ça avec tout ce qui est mosaïque, pointillisme, etc. Il y a plein d'autres techniques dans l'art traditionnel qui s'en rapprochent, qui n'est pas vraiment, mais en tout cas ça s'inspire. Quoi. C'est vrai, mais alors par exemple... Les peintres avaient Ils avaient toutes les couleurs à disposition. Pas vraiment, ils n'avaient pas un magasin Monsieur Bricolage à côté de chez eux au XVIIe siècle, mais ils avaient les couleurs de la nature. Alors que nous, pendant très longtemps, on a été limité par la machine, par certaines couleurs. Aujourd'hui, on a moyen de produire des jeux qui n'ont pas pu être faits à l'époque. En fait, c'est ça que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on peut retourner vers cette technique du pixel art sans avoir certaines des contraintes qu'il y avait à l'époque, et donc de faire des jeux qui auraient pu exister, mais qui n'ont pas existé. Aujourd'hui, on les crée. Ça, c'est quelque chose qui me paraît assez intéressant. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui on trouve encore plein de jeux qui sortent en pixel art. Après, c'est clairement une technique comme une autre. Après, c'est pour assumer des choix graphiques et donner un style sur une direction. Mm-hmm. Parce que c'est clair qu'aujourd'hui, moi je préfère largement être dans notre époque actuelle avec des palettes quasiment infinies pour faire des pixel art et faire soi-même sa palette plutôt qu'être limité comme sur les jeunesses. Moi je préfère largement faire des tableaux comme on pouvait voir sur la communauté de Pixel Joint pour faire ce genre de trucs, quoi. Pour l'anecdote, parce qu'en fait il y a des Japonais qui font des magnifiques tableaux avec Excel. Oui, voilà. Des mecs qui codent sur Excel. Juste, je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire, Vincent, c'est que effectivement, à une époque, c'était pas un choix, on n'avait pas le choix. C'est-à-dire que le seul moyen de produire un jeu, c'était le terme pixel art n'existait même pas, parce qu'en fait, il n'y avait pas d'alternative. C'est ça. Voilà. Donc le terme pixel art, il est arrivé quand effectivement, même pas quand la 3D est arrivée, mais je pense que la PlayStation a un peu déclenché le phénomène pixel art, parce que on avait la capacité de sortir des jeux en 3D, qui était ce qu'ils étaient à l'époque, hein, mais bon, c'était déjà quand même une révolution. On avait la capacité de sortir des jeux comme Rayman, qu'on peut difficilement qualifier de jeu pixel art, parce que tout était tellement lissé, c'en est, hein, je veux dire, les pixels se voient. Ce qui est caractéristique pour moi du pixel art, c'est le fait qu'on arrive à discriminer les pixels entre eux. Ça, si on n'y arrive pas, c'est qu'on est déjà trop lissé. On arrive sur ce dont parlait Marie tout à l'heure, sur des animations extrêmement précises, et du coup on sort de ce contexte un peu pixel art. Donc dans le pixel art, ce qui est important, c'est le pixel. Donc si on voit pas le pixel, c'est un peu délicat, quoi. Voilà. Et puis on est arrivé à un moment donné, dans une époque, à un choix. On a le choix aujourd'hui de faire des jeux qui sont en pixel art ou pas. Et après, faut bien se dire que produire un jeu en 3D ou produire un jeu en 2D, c'est d'abord une question de compétence aussi. Et juste pour terminer là-dessus, c'est que la 3D, c'est une chose. Maintenant, il y a des types de jeux qui s'y prêtent pas. Donc, on se retrouve avec un énorme mix de fou. C'est-à-dire qu'on a des jeux en 3D avec un gameplay 2D. J'ai un Super Smash Bros en 3D. Ça existait, hein, ça s'est appelé Power Stone, mais ça n'a pas le même fun. Étrangement, Power Stone a beaucoup moins bien marché parce que c'est beaucoup moins accessible, la caméra est toujours calée comme il ne faut pas. Bon, c'est un bordel sans nom. Donc voilà, le pixel art est devenu un choix comme un autre, et je ne suis pas certain qu'il y ait énormément de studios AAA qui se lancent dans du pixel art sur des consoles genre PlayStation 4, Xbox One et compagnie, tout simplement parce que... ça démontre pas la puissance de la console, et donc les grands éditeurs Microsoft, Sony et autres, et ben ils ont pas forcément intérêt à pousser ça en avant. Maintenant, il y a des très très bons jeux en pixel art sur les deux consoles. Surtout en fait, par rapport à ce que tu disais, c'est surtout que en termes de temps de production, c'est très long à produire un jeu en pixel art. Je pense qu'on pourrait discuter des temps de production des jeux en 3D, ils sont pas mal aussi. Oui, hein. Mais après si à ambition égale, le jeu était en 2D au lieu d'être en 3D, pour avoir une 2D de qualité, c'est un temps à mettre qui est supplémentaire par rapport à certaines techniques, par exemple sur l'animation. Je pense que c'est plus rentable d'être en 3D, de rigger le personnage pour faire ensuite toute une série d'animations, plutôt que d'avoir un personnage 2D sans utiliser des techniques comme Spline qui sont C'est ce que j'allais dire. Sans Spline, je serais d'accord avec toi. Aujourd'hui, avec Spline, on est capable de sortir des jeux en 2D avec des animations qui sont extrêmement détaillées, plus vite que des jeux en 3D. C'est un raccourci, parce que globalement, les jeux en 2D ont souvent été plus rapides à sortir que la 3D quand même. Et après, Spline en plus. Tu prends ça comme exemple, mais en soi, c'est l'équivalent d'un rig sur un modèle 2D, donc c'est un peu de la 3D. Ah, mais ça utilise complètement des textures, des technologies 3D, mais dans le plan, voilà, pas dans l'espace, dans le plan. Mais du coup, la troisième dimension a un impact très important, et surtout, on est capable de produire des animations très réalistes, très fluides sur un spine, beaucoup plus facilement que sur un modèle 3D, tout simplement parce que un modèle 3D mal modélisé, tu en feras rien. Ou tu en feras quelque chose de moche, alors qu'un personnage qui est très bien détaillé, très bien dessiné, etc. Un animateur va toujours arriver à en faire quelque chose. Après, il faudrait vraiment qu'il soit dans une posture complètement inutilisable, mais si le modèle de base est à peu près bon, voilà, on peut s'en sortir. Donc c'est vrai que les contraintes sont très différentes, mais on en revient toujours au fait que c'est un choix à un moment donné de faire de la 2D, du pixel art, de la 3D, etc. Mais ce choix, il est sur des petites équipes, il n'est pas toujours conditionné juste par une volonté artistique. C'est-à-dire que des fois, bah juste, on n'a pas de modeleur 3D dans l'équipe. Donc chez nous, par exemple, on n'en a pas. Donc en fait, effectivement, on fait de la 3D, mais je pourrais vous expliquer un peu plus précisément tout à l'heure comment c'est pas avec un modeleur 3D. Donc voilà, on a été aussi limité par nos contraintes de ressources. Quoi. D'accord. Marie, est-ce que tu avais quelque chose à dire? Ouais, c'était. c'était il y a une demi-heure, oui. Ouais, c'est ça. Non, en fait, je voulais juste dire. On parlait tout à l'heure de la PlayStation 1. Mm-hmm. On était passé du coup du pixel art à. Enfin, du pixel art qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque à la 3D. Mm. Et je me demande à quel moment sur PS3, un mec est arrivé un jour, par exemple, et a dit ouais, moi je veux retourner sur du pixel art, ça va marcher du tonnerre. Et qui l'a pris au sérieux? Genre, comment ça s'est passé à ce moment-là? Est-ce que vous avez un exemple de jeu sur PS3 qui était sorti en pixel art? Peut-être ouais, vous en avez d'autres, parce que là comme ça j'en ai pas qui me viennent tout de suite. J'en ai un qui était sorti, je sais pas s'il est sorti sur Steam aussi, il me semble que Scott Pilgrim vs The World c'était un jeu pixel art. Je crois que c'était des graphismes, des dessins faits à la main, genre... Ouais. Enfin, ouais, je crois pas que c'était pixel art, je crois que c'était plus lisse hein, que du pixel art. Moi il me semble que c'était pixel art. Attends, je vais aller chercher une image sur internet. Continuer la conversation. Pour répondre à ta question dans un premier temps, c'est que la PS3, la génération de la PS3 a marqué un tournant aussi dans l'industrie console. C'est que ça a été les premières consoles avec un store digital. Et publié, ça a été le début du retour des indés effectivement, mais publié sur un store digital est beaucoup moins compliqué, en tout cas à l'époque. Je sais pas comment formuler ça, mais en gros, ça a permis effectivement à des gens qui n'étaient pas supportés par des très gros éditeurs d'arriver sur des consoles comme la PlayStation 3, la Xbox 360. Ouais, ça s'est revenu avec. Et donc effectivement, avec des équipes plus petites, avec des moyens différents, et effectivement, il y a des jeux alors qui sont. À l'époque, effectivement, Sony et Microsoft étaient beaucoup plus... Alors, Microsoft est un cas particulier parce qu'ils avaient le Xbox Live Arcade qui a vu naître beaucoup de jeux bien, bien barrés. Chez Sony, c'était un peu plus picky, en tout cas au début. Donc, il y a eu pas mal de jeux indés qui sont arrivés. Effectivement, un pixel art là comme ça, il y en a eu des pelletés, ça j'en suis sûr, mais là comme ça, j'en ai pas. Ça se trouvait plus chez les indés que chez les AAA, par exemple. De toute façon, le AAA, le problème, c'est qu'il va être confronté à aussi une tendance du marché. Aujourd'hui, la tendance du marché, c'est pas le AAA en pixel art. C'est le AAA, la Far Cry 5, qui est ultra réaliste et qui, bon, ultra réaliste, on a vu des vidéos récemment où finalement on se rend compte que ce n'est pas tant que ça, mais voilà, enfin, en tout cas du photoréalisme. Je veux dire, un Horizon Zero Dawn, un Uncharted 4, ça fait vendre de la PS4. C'est clair et net. Je vais prendre un exemple d'un jeu indé français, un Neurovoider par exemple, c'est un twin stick shooter. Ça fera pas vendre de la PS4 ou de la PS Vita. Ils viennent sortir sur PS Vita là, il y a quelques jours. Donc c'est ça aussi quoi. C'est que les consoliers, ils ont besoin de vendre de la console. Steam, ils peuvent mettre un All Boy en featuring sur la homepage parce que Steam, ils vendent pas de console. Oui. Donc par contre, ils vont peut-être vendre du All Boy et prendre 30% sur les ventes. Donc voilà, ça c'est aussi un. Oui, c'est plus accessible pour eux. Quoi. C'est un positionnement qui est alors dire que Steam est accessible aujourd'hui, c'est un peu délicat, mais il est surchargé de public, mais. Mm. Du coup, ouais. les graphismes de Scott Pilgrim. Après, on sait pas trop. Je l'ai maintenant montré à Marie. Attends, je vais ressortir on l'image. Sait pas trop. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu. Je dirais que c'est des dessins avec une mauvaise résolution. oui, après. Google Images, souvent, tu vas tomber sur des images en JPEG avec une compression dégueulasse. Donc, forcément, ton pixel art, tu vois plus que c'est du pixel art. Ouais, mais c'est là, sûr, en c'est difficile. C'est... Mais, tiens. pour moi, ça n'en est pas. Alors, il y a un exemple quand même de jeu en pixel art. Alors, mon collègue à ma droite, Guilain, va m'arracher la tête, mais c'est pas grave. Minecraft. Ah oui. Minecraft, c'est un pixel art. C'est oui, mais les textures sur les voxels sont pixel artisées. Oui, c'est vrai. Il y a une direction artistique qui hérite du pixel art, en tout cas. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, effectivement, Minecraft, il n'est pas sorti sur console d'abord. Oui. Voilà, il a eu un parcours. Il a eu un parcours qui est un peu particulier, mais effectivement, je pense que Minecraft, sans tout le côté sandbox génial où les gens pouvaient faire ce qu'ils voulaient, c'est un de mes grands regrets. Je n'ai jamais joué à Minecraft, mais j'ai un peu étudié le sujet. Mais voilà, c'est un de mes grands regrets de joueur. J'ai pas eu le temps d'y jouer parce que c'est trop tout. Donc voilà. Ça prend trop de temps. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai plus le temps. J'ai deux enfants, donc j'ai autre chose à faire malheureusement de la soirée. Je leur apprendrai à jouer à Minecraft un jour, peut-être. Ah, mais oui, ça va très vite, hein. 8 ans, ils savent déjà. Et ce que je veux dire, c'est que du coup, voilà, son parcours a été différent. Et je suis pas certain que si on avait eu que l'image pixel art, clairement, il aurait pas marché comme il a. C'est pas ça qui a fait la force de Minecraft. Voilà, c'est plus sa personnalisation. C'est son sandbox, voilà, la personnalisation, le modèle systémique où tout va avec. Enfin, tous les éléments vont les uns avec les autres. Enfin, voilà, il y a tout un. Et je suis en train de chercher des jeux PS3 en pixel art, et malheureusement, effectivement. Justement, d'ailleurs, j'avais envie de vous amener sur Minecraft, mais alors on va s'accorder une petite pause musicale et on reviendra dessus juste après. Du coup, on va s'écouter Hopes and Dreams de Toby Fox, de la bande originale de Undertale. C'était Hopes and Dreams de la bande originale de Undertale, composée par Toby Fox, qui est également le créateur du jeu, à la manière de Eric Baron pour Stardew Valley. Il s'est occupé presque la totalité de son jeu, c'était assez impressionnant. Pour revenir du coup sur Scott Pilgrim déjà, donc Guillain confirme, c'est du pixel art. Bah c'est, ouais, c'est, ils m'ont montré les images parce que je connais pas forcément tous les jeux, et du coup pour moi donc c'est du pixel art mélangé avec un style comics qui donne ce petit effet particulier, mais on peut voir les techniques pixel art utilisées quand même. Et pour revenir sur Minecraft, j'ai discuté hier avec quelqu'un qui m'a dit qu'elle s'étonnait de voir sa nièce, jeune nièce, jouer et s'amuser sur Minecraft, qui propose du coup des graphismes assez peu alléchant, du moins comparé à du Uncharted par exemple. Et moi, ce que je lui ai dit, c'est que oui, mais ne jouons pas à Minecraft. Par ailleurs, enfin, je pense que le pixel art, c'est voilà, comme on l'a dit, ça ne s'appelait pas le pixel art à une époque parce que c'était une contrainte. On avait que ça, et on a donné cette dénomination à partir du moment où on a eu le choix de faire ce genre de graphisme. Et du coup, c'est entré dans la culture du jeu. C'était quand même un mode de représentation qui est donc propre aux jeux vidéo selon moi. Alors effectivement il y a le pointillisme en peinture qui est assez proche, mais je suis d'accord avec toi, oui. c'est inspiré, mais ça reste propre aux jeux vidéo quoi. Et du coup ce n'est pas moins bien que les graphismes photoréalistes, c'est autre chose hein, tout simplement. Et pourquoi ça marche bien dans Minecraft, c'est parce que Minecraft c'est le principe des Lego, basiquement c'est les Lego en jeu vidéo. Et les Lego c'est quoi, mais c'est juste des briques aussi, c'est votre imagination qui fait tout avec ce jeu là comme dans Minecraft. Donc il y a absolument pas nécessité d'avoir des graphismes plus poussés, plus réalistes, plus représentatifs dans Minecraft. Au contraire, je pense que c'est la force du jeu d'avoir quelque chose d'assez abstrait qui vous permet justement d'y voir le monde que vous voulez. Par ailleurs, typiquement, oui. Ce que tu racontes, c'est même un peu pixel art. Quand tu fais du pixel art, t'es un peu forcé de faire travailler l'imagination des gens, parce que bon, quand tu as représenté un rond avec des carrés, ouais. À un moment, c'est compliqué. Donc, il faut que tu travailles, que tu fasses des techniques et que tu laisses aux gens la liberté d'imaginer et de représenter ta forme de façon à ce qu'on on l'imagine, quoi. Parce que ton brin d'herbe, quand il finit par un cube, tu vois, c'est chelou. Du coup, justement, les graphismes de Minecraft, c'est la technologie du voxel, qui est une évolution du voxel. C'est du voxel, mais en plus gros. Et donc, on a établi tout à l'heure que la technologie utilisée pour CryEngine, ce n'est pas le voxel. Pourtant, ce sont également des pixels en 3D. Alors, c'est quoi la différence entre voxel et... Alors, de ce que je comprends, c'est pas des pixels en 3D. Non, c'est pas des pixels en 3D. En l'occurrence, le voxel, c'est un pixel en volume. Oui. Voilà. Donc, effectivement, on dit que Minecraft, c'est du voxel, etc. Parce que, de la même manière qu'un pixel n'a pas de dimension, un voxel n'a pas de dimension non plus. Donc ça peut être la taille des cubes de Minecraft ou de la tête des personnages qui sont plus petits, enfin ça reste des voxels. Juste très court parenthèse, ce qui fait le succès aussi de Minecraft auprès des enfants, c'est comme tu l'as dit, il y a ce côté un peu Lego, mais il n'y a pas que ça, c'est que les enfants ont une représentation de l'espace qui n'est pas forcément la même que la nôtre, et du coup effectivement les graphismes très simplifiés d'un Minecraft, je pense, vont avoir plus d'appeal, enfin d'intérêt pour eux qu'un No Man's Sky qui du coup est très détaillé, va pas parler avec les codes de la SF dont ils ont juste mais rien à faire. Donc voilà, c'est un autre univers. Ça s'adresse, l'avantage de Minecraft, c'est que ça s'adresse à tout le monde, aux créateurs comme aux enfants qui vont pouvoir s'approprier le truc. Donc ça c'est une chose. Sur CryEngine, sur ce qui est du voxel, effectivement, c'est une technique qu'on a envisagée, pour la bonne et simple raison que c'est une technique qui existe, hein, qui a le mérite d'être extrêmement performante en termes de rendu. En fait, ça ne s'adaptait pas à notre workflow, à notre flux de travail, en fait, parce que du coup, la création des vaisseaux était assez longue en voxel. Ça nécessitait un très très très très grand nombre de cubes. Ce qui n'était pas forcément une contrainte majeure, mais du coup plus il y avait de cubes à placer, plus il fallait les placer, hein, voilà, c'est tout simple. Donc les logiciels de voxel qu'on avait identifiés aussi étaient présentaient des limitations qui nous empêchaient d'aller là où on voulait. Je vais en donner un juste, Magica Voxel. Ouais, Magica Voxel, voilà, était notre piste première. C'est un très très bon logiciel, on fait des trucs absolument magnifiques avec. Malheureusement on avait besoin de je sais plus combien milliers de cubes de longueur, et en fait il est limité à 256 en largeur, donc du coup on était un peu coincé. Et ça a changé ça d'ailleurs. Maintenant, ça a peut-être changé, oui, parce que ça fait... C'est limité à 1024 par 1024. Voilà, mais je crois qu'on avait besoin de genre 3000 ou 4000 cubes, donc on était coincés. Donc on se retrouvait à devoir faire les vaisseaux par morceaux pour pouvoir les mettre ensemble, etc. On marchait sur la tête. Donc effectivement, ce ne sont pas des voxels. On a choisi une autre technique qui est de prendre des sprites, donc des images, hein, 2D, et on les a extrudées, c'est-à-dire qu'on a pris les contours et on les a tirés vers le bas. Et en fait, comme on a expliqué tout à l'heure, on a plusieurs couches, un peu comme un millefeuille en fait, sur le vaisseau, qui n'ont évidemment pas toutes la même forme. Et du coup, en ayant ces éléments en sprite sur chacune des couches, plus on les étire vers le bas, ça donne un volume. J'ai pas fait gaffe en regardant les images, mais quand tu les extrudes, tu gardes la couleur des bords de l'image ? Non, on projette après une texture sur le côté. D'accord. Voilà. Donc, vraiment fun ça. Non mais c'est, on a essayé, on l'a fait, hein, de projeter la texture par le haut, mais en fait on a des zones qui sont très très étirées, donc ouais. ça donnait des artefacts assez peu intéressants en fait. Puis on avait besoin d'avoir du contrôle sur le côté du vaisseau aussi, donc c'était un peu compliqué. Donc c'est une technique qu'on a mis au point fin d'année dernière, donc c'est assez récent. Voilà, donc on en est très content là pour l'instant. On a encore pas mal de travail de lumière à faire dessus, mais effectivement voilà, ce sont pas des voxels, ça a un peu le même look, mais avec notre petite touche en plus. Et voilà, ça nous permet aussi de nous démarquer, de faire du lore un peu aussi pour les joueurs. Et voilà, ça a plein d'intérêt. Vas-y. Et du coup, j'ai juste une petite question là-dessus. Tu as parlé tout à l'heure que vous travaillez sur les effets de lumière de votre jeu. Oui. Est-ce que vous utilisez des techniques, comme on peut le voir sur certains jeux qui font du pixel art, mais avec des techniques de maintenant, donc de mettre des normal maps sur vos modèles? Alors, en l'occurrence, pour les effets de lumière, c'est ce qu'on va faire pour les zones qui sont en sprite, puisque du coup, on n'a pas de volume. Il y a des détails à l'intérieur, mais on n'a pas l'information de volume. Donc les normal maps, qui permettent justement d'indiquer l'orientation dans l'espace de chaque pixel, alors qu'en fait, c'est plat à la base. Les normal maps vont nous permettre juste de... fait pour expliquer pour ceux qui connaissent pas, c'est en fait c'est une texture 2D qu'on applique sur un modèle qui va permettre de faker des du relief et la projection de la lumière sur l'image. Alors en fait, je vais, pour ceux qui en ont déjà vu, je prends deux secondes pour vous expliquer un truc qui moi m'a révélé il y a très très longtemps, mais parce que je suis pas tout jeune, mais en fait une texture ou une image en pixel, c'est juste un assemblage de pixels que vous mettez les uns à la suite des autres. Historiquement, on met du rouge, du vert et du bleu à l'intérieur pour faire des couleurs, mais rien ne vous empêche de faire en sorte que le rouge, le vert et le bleu, ce ne soient pas des couleurs, ce soient juste des informations. Et en fait, une normal map, c'est ça. C'est juste que dans le rouge, en fait, on va mettre un vecteur en X, dans le vert, on va mettre du Y, et puis dans le bleu, on va mettre du Z. Et c'est ce qui fait que, du coup, on a une représentation dans l'espace, alors que c'est un plan. Voilà, et ça donne des trucs absolument, ça peut donner des trucs absolument géniaux. C'est comme ça que si vous regardez le sol, dans la plupart de vos jeux AAA en 3D, ben, si vous regardez le sol, ça fait des super cailloux bien volume. Si vous mettez au niveau du sol, ils sont tout plats. Voilà, c'est la magie de la lumière dans les 3D, dans la 3D. Voilà. Donc effectivement, on va s'en servir. Ouais. Sur les zones plates des vaisseaux, comme on va avoir probablement des lumières assez rasantes, il faut qu'on ait cette accroche de lumière sur certains éléments. Donc voilà, mais c'est pas fait encore. Ça fait partie du travail de l'indé de toujours faire plein de choses mais jamais avoir le temps de les faire. Tout à l'heure tu disais aussi que le choix de partir sur un jeu en pixel art, ça doit aussi coller à un gameplay qui va bien avec. C'est du coup l'exemple qui m'est venu et mon dieu, je suis tellement un forceur. Vous prenez l'exemple de Kingdom Hearts Chain of Memories qui était sorti sur Game Boy Advance entre le premier et le deuxième jeu. Et bien, figurez-vous que ce jeu-là a eu un remake sur PS2 dans l'édition Final Mix de Kingdom Hearts 2. Et du coup, c'était le même jeu, les mêmes mécaniques de gameplay, le même scénario, juste avec une représente 3D cette fois-ci, au lieu d'un jeu en 2D isométrique sur Game Boy Advance. Figurez-vous que ça passait moins bien. En fait, on ne savait pas trop quoi faire de l'aide. Pour en parler aux joueurs, Secret of Mana. Oui, un pari plus récent, voilà, même exemple. Je préférais parler de Kingdom Hearts. J'entends bien, mais ça parlera peut-être plus aux gens qui n'ont pas joué à Kingdom Hearts. Bah, il faut se renseigner, les gens. Après tout, ne passez pas à côté de la meilleure licence de tous les temps, ça serait dommage. De toute façon, au bout d'un moment, à force d'écouter l'émission, vous devrez comprendre que si vous ne jouez pas à Kingdom Hearts avec Vincent, il va vous tuer au bout d'un moment. D'ailleurs, il faut bien prononcer, attention, Guy. Hein. Je me suis fait engueuler. J'ai mal dit. Kingdom Hearts. Excuse-moi. Je te pardonne. Parce que tu as fermé la fenêtre tout à l'heure, après que l'avion soit passé. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, donc voilà, dans la version 3D de Chain of Memories, effectivement, cette liberté de la 3D, cette caméra libre, etc. Mais en fait, on ne savait pas trop quoi en faire. Et finalement, c'était sympathique les premières minutes. Mais au final, on se rendait compte qu'on avait une expérience beaucoup plus dense et intéressante sur la version en pixel art de ce jeu-là. Donc effectivement, c'est la techno. C'est une évidence, mais il faut bien choisir sa technologie en fonction du jeu que l'on veut proposer et ne pas faire de la 3D parce qu'on trouve ça cool ou que c'est à la mode ou quoi. Il y a de nombreux exemples en fait de jeux historiquement qui ont donné ça. Les Chevaliers de Baphomet, les deux premiers sont en pixel art, le troisième est en 3D, ça a été une catastrophe sans nom. Enfin, une catastrophe. Et le jeu n'est pas forcément mauvais sur le plan du scénario et des énigmes parce que c'est quand même la même équipe qui l'a fait, mais ça marchait pas. Rayman. Sonic. Oui, Sonic. Sonic, je peux en parler parce qu'on tire pas sur l'ambulance. On a parlé à midi en plus de Sonic. Ouais. Voilà. Mais non, Sonic, effectivement. Mais Rayman, pour parler d'un jeu Montpellier aussi, hein, Rayman 1 et 2, absolument magnifique en pixel art. Le 3, il passe à la 3D parce que Mario 64. Le 2 était en 3D aussi. Non. Rayman 2 était en 3D. Alors peut-être, oui, je confonds parce que c'est loin. Mais effectivement, voilà. Bon, il y a eu un passage à la 3D qui fait que voilà, c'est un peu la mouvance Mario 64 qui se dit oh putain, si on se mettait à faire de la 3D. Et puis en fait, non. Rayman 2 et 3 étaient cool de mémoire. Oui, j'ai pas eu ce sentiment quand j'y ai joué, moi, hein, mais bon, après, c'est... J'étais plus petit que toi. Ouais, quand j'étais enfant, ça passait bien. mais après, effectivement, voilà, on revient sur du Mario, sur du Rayman Origins ou Rayman Legends, qui sont des tueries, et voilà, après, c'est... Qui, pour le coup, mélange de la 2D et de la 3D, mais intelligemment, et pas un platformer 3D à la Mario 64, qui, pour moi, à l'époque, en tout cas, était mal maîtrisé. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Sur la caméra, hein, principalement. Sur les enfants et entre autres Sonic. En ce moment, je fais jouer aux enfants Sonic Adventure et Sonic Battle 2. Ouais, j'aime bien le rétro gaming, ils adorent. Et en fait, donc on joue à ce jeu, bon, qui ils sont pas très touchés par les graphismes en général, donc ils s'en fichent un peu. Seulement là, ça les a un peu gênés parce qu'ils disaient pourquoi les cailloux ils sont bizarres. Pourquoi les herbes elles sont bizarres? Pourquoi il n'y a pas d'herbe déjà? Enfin des trucs comme ça. Et en fait, dans Sonic Adventure, à un moment, on débloque les tout premiers Sonic du coup en pixel art sur Mega Drive. Et ils ont adoré. Alors que, parce qu'en fait, l'enfant préféra du pixel art à la 3D mal faite en fait. Parce qu'il va se rendre compte que c'est mal fait, alors que le pixel art ça les a même pas choqués en fait. Ils ont dit ah, trop bien, un nouveau ouais. Sonic. Mais en même temps, tu montres des pixel art qui sont bien faits, tu leur montres du pixel art moche aussi, à un moment ils vont oui, me dire. Oui, c'est ça. Mais en fait, il vaut mieux faire quelque chose bien, même si la technologie est moins bonne, que tenter des trucs incroyables et au final pas réussir parce que. Mais en l'occurrence, l'enfant se projette sur des situations, sur des concepts, mais pas sur des formes. Alors en tout cas, quand ils sont tout petits, alors là je sais pas de quel âge on parle, hein, mais. 5 et 7 ans. Voilà, 5 et 7 ans. À 5 ans, ça me surprend pas qu'un Sonic en pixel art l'intéresse plus qu'un Sonic en 3D, tout simplement parce que déjà la compréhension de l'espace est beaucoup plus facile en 2D qu'en 3D. Oui. Parce que déjà à 5 ans ça va, mais ma grande fille a 3 ans et demi, en plus avec des soucis de vue, donc la notion de perspective, etc. Déjà dans l'espace réel, elle peut avoir du mal, mais alors en plus, si je la mets dans un espace virtuel, c'est compliqué. Donc effectivement, si on regarde tous les livres pour enfants, même à 5 ans, ce ne sont pas des livres très réalistes. Mm. Voilà, c'est tout stylisé, c'est vraiment pour aborder des choses qui sont plus aborder la situation et le concept. Donc, le pixel art, il est bien pour ça aussi. Et on parlait tout à l'heure de choix sur mobile, c'est principalement d'ailleurs le mobile qui a ramené le pixel art sur le devant de la scène, en tout cas sur le mainstream complet, quoi, parce que bah, du coup c'était les premiers téléphones mobiles, faire de la 3D hyper réaliste dessus, fallait s'asseoir, quoi. C'était pas possible, donc ou alors fallait vraiment passer le temps à optimiser, donc en gros un triple A, etc. Donc le pixel art s'est imposé un peu aussi comme limitation technique, enfin comme répondant aux limitations techniques des devices, donc c'est pour ça que c'est revenu, les indés avaient moins besoin d'argent pour produire les jeux, enfin bref. Voilà. Bah d'ailleurs, c'est un peu le retour du pixel art, ça a été aussi avec les indés, on en parlait tout à l'heure avec la PS3. Donc c'était à ce moment-là qu'un peu, par toutes les contraintes, le pixel art a réémergé, on va dire. Ouais, alors le jeu indé, il a vraiment réémergé sur mobile, puis effectivement sur console. Tout simplement parce que sortir un jeu sur PS3, même sur Xbox... Même si le Xbox Live Arcade était plus accessible, sortir un jeu sur le PSN à l'époque de la PS3, ça demandait quand même à un moment donné d'avoir un kit de développement. Ouais, mais enfin, il y avait Steam quand même à l'époque. Oui, mais Steam et PS3, on parle de deux marchés qui n'ont rien à voir. Hein. Ce sont le grand écart complet. Hein. Et Steam, ça date de 2004. Il y avait jusqu'en 2007, tu n'avais même pas 1000 jeux dessus. Hein. Donc il faut aussi relativiser l'explosion du marché indé. Sur mobile, par contre, effectivement, en 2008, Apple lance l'App Store sur l'iPhone 3G. Et pouf! Et là, tout le monde, pour 99$, tu peux publier ton jeu quasiment sans limitation. Enfin, voilà. Il suffit d'avoir, à l'époque, même aujourd'hui, ça s'est un peu démocratisé, mais bon, Android est venu démocratiser tout ça, évidemment, mais en tout cas, sur iOS, il faut toujours, si on veut faire les choses bien, il faut toujours avoir un Mac. Mais en tout cas, il suffisait d'avoir un Mac. Quoi. Vous aviez un Mac, vous publiez ce que vous vouliez sur l'App Store à une époque où j'ai. Angry Birds, qui n'est pas du pixel art, hein, certes, mais Angry Birds, probablement, n'aurait jamais connu le succès qu'il a connu s'il n'avait pas été les premiers sur l'App Store. Mmh. Et juste parce qu'à un moment donné, il se retrouvait avec une plateforme où il n'y avait personne, où il y avait la possibilité de publier sans publisher, donc en gardant la totalité des revenus moins la cut d'Apple, et il y avait des millions de devices sur le marché. Et les gens, juste, tu veux un jeu? Ah bah ouais, j'ai Angry Birds. Ok, je télécharge Angry Birds. Oh putain, en plus c'est cool, quoi. C'est tactile et tout, c'est des oiseaux, ils ont l'air un peu malins, tout ça, cool, allez, hop, on y va. Bon voilà, après, Vincent a son Kingdom Hearts, moi j'ai mon Angry Birds, mais chacun son truc. Donc voilà, mais on en parlait tout à l'heure en off, on a le même phénomène sur la Switch aujourd'hui. La Switch d'ailleurs qui va avoir accueillir prochainement le jeu Octopath Travelers, oui. Qui a une représentation assez sympathique. Ouais. C'est d'ailleurs sa plus grande force à l'heure actuelle, vu que le gameplay, on n'en sait pas énormément. Il y a eu une démo, c'est juste du RPG classique. Ouais, c'est C'est même du RPG extrêmement chiant. Ouais, mais voilà. Ouais, ça avait l'air. Hein. Oui. C'est du vieux, c'est comme les très vieux Final Fantasy, je pense, où tu peux changer ta classe. et genre, il y a toutes les différentes classes que tu débloques au fur et à mesure, et puis tu fais un peu ta propre équipe, et tu fais avec. En fait, pour tout vous dire, dans les bureaux d'Altshift, on a vu passer le trailer initial de l'E3, je pense, de Octopath Traveler. On s'est dit, waouh ! Et il y en avait deux dans l'équipe qui avaient une Switch. Donc on s'est dit, putain, faut le faire et tout. Faut qu'on le fasse, tout ça, quand il va sortir, on va être dessus. Puis ils ont téléchargé la démo, ils ont passé 15 minutes à lire du texte, ils ont dit, bah, jamais je toucherai plus à ce jeu-là. Voilà, donc voilà, comment on sort une démo D'accord. ratée, c'était une bonne idée. Ouais. Mais effectivement, par contre, sa représentation graphique est très originale. Ah, parce que la hype autour de jeu se fait uniquement à partir de ces graphismes. Il y avait aussi l'autre jeu à l'E3 qui était présenté par Xbox. Last Light. Last Light. Je crois que c'est Last Light le nom. Oui. Qui avait l'air, qui était aussi un peu 3D. J'avais l'impression que c'était 3D dans un environnement 3D. The Last Night. The Last Night. The Last Night. Qui est d'ailleurs fait par une équipe française. Ouais. C'est fait en voxel ça, pour le coup. C'est fait en voxel. C'est le mec qui fait des techniques de pixel art avec du voxel et ça fait qu'il en a rendu de fou. Ok. Ouais, et d'ailleurs, en parlant de technique comme ça, il y a un jeu qui s'appelle Pazoé, qui est un jeu de Robotality, un truc comme ça, si je me gourre pas, et qui en fait est un jeu qui va reprendre des graphismes pixel art en vue RPG, donc comme vous pouvez avoir dans un Pokémon, mais vu que c'est fait en voxel, en fait vous avez tous les effets de 3D que vous pouvez retrouver dans un jeu 3D classique, et du coup ça fait qu'il y a des rendus avec des cycles jour-nuit qui sont assez exceptionnels. Donc s'il y en a qui s'intéressent pour voir des jolis graphismes avec une technique hybride voxel pixel art. Dans le même genre français aussi, vous avez Too Dark qui a utilisé la technique du voxel. Pas surtout mélangé. Après. Pardon ? Pas surtout, je crois que c'est juste le personnage. Oui, non, mais parce que du coup, ils voulaient avoir des effets de lumière bien particuliers parce que c'est quand même un jeu d'ambiance. Bon, après, le jeu n'a pas véritablement fonctionné, a priori, des échos qu'on a pu en avoir. Non. Mais en tout cas, les démonstrations techniques étaient très intéressantes. Et oui, pour l'expliciter également sur Octopath Traveler, également, il y a des effets qu'on retrouve dans des jeux 3D, les effets des coups, les étincelles, des armes, c'est des effets 3D classiques. Voilà, et effectivement, Frédéric Rénal avait travaillé énormément le voxel de son jeu, je crois que c'était le... Bah, c'est Too Dark, justement. Ouais. Oui. J'avais vu une présentation de Rénal lors de, je pense que ça devait être le Montpellier Game, où il était avec Jordan Mechner et Eric Chahi. Je crois que c'est à ce moment-là qu'il parlait, où je l'ai vu parler de Too Dark et de la techno de son jeu, et son but c'était de faire quelque chose d'assez révolutionnaire à ce niveau-là. Après, j'avoue que j'ai pas suivi vraiment le développement de Too Dark et ni les résultats. Bah, en gros, son côté révolutionnaire, c'est simplement parce que j'ai aussi assisté à la conférence et qu'en gros, il expliquait que sur les personnages, par exemple, donc le jeu, on joue un enquêteur qui va sauver des enfants de psychopathes. Mm-hmm. Et donc, l'intérêt pour lui de mettre des voxels, c'est que si ton enquêteur se prend un coup de couteau dans le ventre par exemple, et ben pour marquer la blessure tu vas simplement lui enlever les voxels à l'endroit du cou et comme ça va marquer la blessure. Mmh. Donc c'était le côté révolutionnaire où tu n'avais pas besoin de faire 50 000 modèles en fonction de ce qui se passait. Il y avait une autre stratégie aussi, c'est que ce qu'il voulait faire, donc en plus de ce complément de personnalisation dynamique entre guillemets du personnage, c'est que il voulait avoir une pixelisation parfaite de ses modèles voxels. Et j'annonce c'est raté. Oui, du coup, ils avaient quand même été limités à un moment donné par le fait qu'il fallait sortir son jeu. Mais effectivement, il y avait tout un travail sur l'animation des voxels. Il y a toute une techno qui a été développée autour de Too Dark à ce niveau-là. Et effectivement, c'est pas du simple voxel qui est mis à l'écran. Il y a un traitement qui est fait en arrière-plan et plein de choses. Donc, bon, c'est pas réussi tout le temps. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup de travail là-dessus. Ouais. Après, le jeu a son charme. Hein, c'est, tout à fait. Ça va tester quand même. Ben, écoutez, moi je n'ai pas d'autres questions. Si quelqu'un veut relancer le sujet avant que l'on passe aux recommandations, aux conclusions, etc. Moi j'avais aussi l'idée par rapport au pixel art que pour des jeux, pour des compagnies indépendantes, t'as quand même, comme ça prend beaucoup moins de poids, le pixel art en général, t'as aussi la possibilité de mettre beaucoup plus de contenu. Après, je sais pas. J'ai pas encore fait de trucs en pixel art, mais je suppose que c'est le cas. Mais je pense que c'est quand même une force. Je pense que ça, c'est peut-être une des forces de pourquoi il y a beaucoup de jeux indé pixel art qui ont fait du succès, que on dirait que c'est quelque chose de vieux et que du coup notre mémoire des choses vieux qui était assez limitée, mais qu'en fait il y a énormément de contenu comparé à ce qu'on avait en mémoire et du coup ça nous surprend. Ce qui fait, enfin vraiment, hein, j'insiste sur ce point-là, c'est ce qui fait que le pixel art chez les indés a beaucoup marché, c'est que c'est un coût de production qui n'a juste rien à voir avec un jeu en 3D. Même un petit jeu en 3D, entre guillemets, j'aime pas ce terme petit jeu, mais un jeu qui a moins de contenu en 3D. Je pense pas que ce soit le poids qui fasse que les gens vont se dire tiens, je vais mettre plus de choses dedans. Tu as effectivement cette possibilité-là. C'est plus léger, donc si tu as besoin de faire un jeu qui est ultra massif en termes de contenu, petit moins limité. Quand on voit ce que Naughty Dog a dû faire pour Uncharted 4 pour tout rentrer sur un Blu-ray, bon, voilà, c'est pas anodin non plus, quoi. Un Blu-ray, ça fait 50 gigas quand même, donc faut en mettre. Hein. Mais bon, après voilà, il y a deux stratégies différentes. Vous avez Star Citizen qui va faire dans les 150 gigas et puis ils s'en foutent parce que de toute façon ça va être du digital, donc voilà. Un Final Fantasy 15 là qui sort avec les textures HD, pareil, c'est 150 gigas. Ils s'en foutent aujourd'hui avec la fibre, voilà, tout le monde, ceux qui ont la fibre, hein, peuvent télécharger. Voilà, mais effectivement, le poids du pixel art, c'est ce qui a fait que sur mobile, ça a beaucoup marché aussi, parce que sur mobile, vous pouvez pas télécharger des jeux qui font plus de 100 mégas ou 200 mégas, sans avoir de connexion Wi-Fi. Donc quand vous êtes en déplacement, bah, dans le métro ou autre, à un moment donné, vous êtes limité, quoi. Donc et puis c'est surtout voilà, que le coût de production n'a absolument rien à voir. Et c'est sûr que si vous voulez faire, on parlait tout à l'heure de All Boy, c'est une personne seule pendant 10 ans parce que il a fait un travail de malade sur son, c'est du dessin animé son jeu. Ouais, parce qu'il y a en fait en pixel art souvent la technique, on utilise des tiles pour répéter des éléments et pour faire un gain de production, de temps de production. Et là, du coup, il y a aucune texture. Ouais, mais et puis c'est surtout que pour une seconde d'animation, il a mis je sais pas combien de frames, alors que effectivement, il y a beaucoup de jeux mobiles où les personnages sont animés en 2-3 frames par seconde. Forcément, on divise aussi le temps de production. Ouais, là, je crois que c'est dessin animé 25 frames seconde, un truc du genre. Ça serait possible, mais ça, je pense que ça serait beaucoup. Mais je l'ai pas testé. Certaines animations, ouais, pour le coup, elles sont vraiment très poussées, quoi. Voilà. Aussi, le pixel art ne nécessite pas une puissance très impressionnante pour un ordinateur pour tourner convenablement. Par conséquent, c'est facilement. On peut facilement porter son jeu, déjà le diffuser, tout le monde peut le prendre sur PC, vous pouvez ensuite le mettre sur Switch, PS4, 360, peut-être 3DS, enfin voilà. Donc l'une des forces également, c'est qu'il est accessible par énormément de joueurs. Alors après, si on prend des jeux comme Broforce par exemple, ouais. Broforce c'est un jeu qui est très bien codé, hein, c'est pas la question, enfin en tout cas de ce que j'ai pu en voir. Mais par contre, effectivement, sur des petites configurations, avec tous les effets de particules, ouais, et le fait que le niveau se détruise, etc., du coup, ça peut vite faire ramer aussi. Mais après, effectivement, du jeu en pixel art à base de sprites qui ne se détruisent pas, etc., avant de faire ramer un jeu, il faut y aller quand même. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez des recommandations par rapport au sujet de ce soir ? Ouais, je vais recommander 2-3 logiciels pour ceux qui voudraient s'essayer au pixel art. Donc, alors, des logiciels gratuits que je vais vous proposer. Donc, il y en a un qui s'appelle JPixel, que j'ai conseillé à pas mal de gens dans mon école, qui est un logiciel gratuit, j'ai oublié le nom du développeur, mais qui l'avait proposé gratuitement, qui reprend pas mal d'outils classiques au pixel art, donc brushes de différentes tailles avec formes qui permettent de faire des ronds, des carrés, etc., mais toujours en étant on va dire fidèle aux techniques du pixel art avec une interface Photoshop, donc ça peut être super sympa, on peut faire de l'animation avec, gérer des calques, etc. Donc très bon logiciel. Sinon, dans le même style, il y a un truc qui s'appelle Spartan, qui permet de faire des tiles, de gérer des tiles très rapidement avec des animations en personnage pour du 32x32 ou 64x64, donc de bons logiciels. Après, j'en aurai d'autres, je pourrais partager un lien dans la description du podcast. Merci. Marie, Floris. En jeu, j'ai Secret of Grindea, qui est un RPG que vous pourrez retrouver sur Steam, mais qui joue en coop online. Du coup, c'est très sympa et c'est en pixel art. Et Shovel Knight, bien sûr. Moi, oh, mon micro il est en train de bugger. Ouais, peu. Moi aussi. Je peux le prendre le tien, tu sais ? Vas-y, je t'en prie. Je suis désolé, mais voilà. J'avais un vieux logiciel que j'utilisais pixel art, qui s'appelait GraphicsGale. Et à mon avis, c'est probablement pas au niveau de GPixel tout ça. Mais... Si, c'est un logiciel qui était très utilisé. Après, c'est assez austère à prendre en main, donc je conseillerais plutôt des trucs un peu plus simples. Mais du coup, si les gens sont peut-être intéressés dans ça, c'est gratuit si tu veux pas faire de l'animation, si je me souviens bien. Et puis, c'est 10€ en achat pour pouvoir animer et faire tes petits sprites, etc. Ouais, mais c'est un bon logiciel. Christophe ? Alors moi, en ce qui me concerne, donc en logiciel pixel art, vous avez un logiciel qui est pas gratuit mais qui vaut 15$ je crois, donc c'est pas non plus... Pixel Edit. Pixel Edit. Non, en l'occurrence c'est pas Pixel Edit, c'est Asprite. Ah. Donc ASE Sprite, je crois que ça se dit. Ouais. Voilà, ASE Sprite, ouais. Et donc effectivement, c'est ce qu'on utilise notamment chez Altshift. Donc voilà, qui est assez travers mais qui est vachement bien en jeu. Ça y est, j'en avais un, je l'ai perdu, c'est malin. Bon bref, j'y reviendrai. Et en fait, il y a un truc dont on n'a pas parlé. Il y a une tendance qui se passe en ce moment là sur la scène un peu pixel art aussi, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des rétro fantasy consoles. Donc c'est-à-dire en gros des logiciels qui vont simuler un peu ce qui se passait à l'époque des vieilles consoles, etc. Mais en permettant quand même de faire des choses un peu modernes. Donc je pense notamment à un logiciel qui s'appelle Pico 8. Ouais, Pico 8. Voilà, qui c'est une console virtuelle. Donc c'est un logiciel qui est sur votre ordi, hein, qui va faire tourner des jeux qui sont tout petits, qui est très facile à prendre en main pour des codeurs débutants parce que c'est un langage qui s'appelle le LUA, et surtout qu'il y a un éditeur de pixel art intégré qui est très sympa, qui est limité à 16 couleurs figées, donc on est quand même contraint aussi, mais en termes de créativité, être contraint c'est toujours bien. Et un éditeur de tilemap, enfin bon voilà, c'est assez intéressant. Pareil, je crois qu'il vaut $15, il est super, super bien. Et ça y est, j'ai reperdu mon jeu, c'est malin. Ah oui, si, ça y est. C'est Céleste, non, peut-être, qui a été fait dessus ? Parce que t'as parlé de Pico 8, et ben le proto de Céleste avait été fait dessus. Ça je ne savais pas, mais effectivement, vu le jeu final, je pense que les mecs ils se débrouillent bien. Non, et en pixel art, je voulais recommander un jeu français qui est un shoot 'em up qui s'appelle Stereden. Donc qui est fait par les Bretons de Pixel Nest. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, le jeu a une traduction en breton. Donc voilà, ils sont fidèles à eux-mêmes. Et donc c'est un shoot 'em up roguelike. Donc très intéressant, super fun à jouer, extrêmement dur, moi qui suis une quiche à la manette, j'ai jamais fini. Donc il est sorti sur mobile aussi, mais franchement jouez-y au pad sur n'importe quelle console sur laquelle il est sorti, ou sur PC quoi. Et également quelque chose dont on n'a pas discuté, c'était les demakes en fait, ces jeux du coup qui sont l'inverse des remakes, sont des jeux dont on crée une version pixel art, alors que ce sont des gens en 3D, voilà, simplement. Est-ce que tu as un exemple, parce que je connais pas du tout. Il y a un jeu tiré d'Half-Life qui est pas officiel, mais qui en gros reprend à peu près le scénario du premier Half-Life, mais tout en 2D. D'accord. Et si tu veux, à mon école, j'en avais eu un exercice à faire des demakes. Je te passerai un jeu qui s'appelle Ark FX, donc qui est un demake de Ark. D'accord. En pixel art avec des dinosaures. Ok. Mais je crois pas qu'il y ait des demakes officiels de jeux qui soient sortis. Hein. Non, alors il doit y pas, en avoir, mais il faut fans, les chercher un peu. Ouais, je pense. Des fans, oui. Très bien, moi je vais me contenter de vous recommander la vidéo de post-process sur le pixel art. Voilà, de toute façon, c'est très bonne vidéo. Il hein. y a 2-3 communautés aussi. Je rappelle RetroPixel, Pixel Joint pour ceux qui veulent apprendre le pixel art. Très bien, je vous remercie tous d'avoir été parmi nous. Alors, je rappelle, pensez à checker la description du podcast, vous y trouverez plein de liens utiles. Oui, non. donc vous trouverez plein de liens utiles. Je fais un coucou à Marie Legrand qui est en ce moment au Canada pour le Pixel Challenge, la plus grande compétition numérique du Canada. Marie Legrand, vous l'avez entendu dans la première émission de Devin Retry, elle était venue avec Mathieu Montreuil nous parler de leur projet La Poste 2048. Et puis je remercie Jean-Paul qui est à la technique. Merci à vous, mes chroniqueurs, d'avoir été là, et merci encore à Christophe d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Merci à toi, et bonne soirée. Passez une bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.